إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Donc, on va compléter aujourd'hui, inshallah, la troisième partie dans cette risala du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, au sujet de la position correcte envers les gens de la bid'ah. Donc, le Cheikh Rabi' il dit, en continuant l'explication qu'il donnait, wa innal amr wallah la jadd wa rabb as-sama' لا سيما المشاكل بلغت حدا لا نظير له فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرطة والإنترنت وفي كل مكان ويصورون أهل السنة بأنهم خوارج بل يكفرونهم فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء فنسأل الله العافية. Donc le Cheikh il explique, il dit que les choses sont devenues très sérieuses, très difficiles à notre époque. Les choses ont atteint, hein, les problèmes ont atteint un niveau tellement grave qu'il n'y a rien de comparable dans le passé, hein, ni par rapport à la façon dont les gens combattent la Sunna, la façon dont les gens combattent les gens de la Sunna. La façon dont les gens combattent le manhaj salafi et les salafiyoun. Et ils utilisent toutes les méthodes qu'ils peuvent trouver, tous les moyens qu'ils peuvent avoir en leur possession, en leur moyens pour salir l'image des salafis, salir l'image des gens de la sunna. Ils utilisent les médias, ils utilisent les livres, les cassettes, ils utilisent l'internet, et aller partout où ils peuvent, et ils utilisent ces moyens-là pour salir l'image des salafis, salir l'image des gens d'Ahlus Sunnah. Ils les font, on les fait paraître comme si c'était des khawarij, comme si c'était des extrémistes. Hein. Et même certains vont jusqu'à les déclarer kuffar. Hein. Allahu al-musta'an. Donc quelle fitna est plus grande que cette fitna? Aujourd'hui on voit cette tendance, cette attitude de la part de certains parmi les gens de Bid'a en particulier, qui essaient de marginaliser les gens qui suivent la Sunna et qui appellent à la Sunna, et au fait de s'accrocher à la voie des salaf al-salih, on essaie de les marginaliser, on les présente comme étant des radicaux, des extrémistes, hein. Et donc tout ça c'est pour salir l'image de la Sunna et des gens de Ahl al-Sunna ou al-Jama'a. Donc est-ce qu'il y a une fitna plus grande que cette fitna? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grave pour l'islam et pour les musulmans que cette fitna dangereuse qui a rempli toute la terre, qui a rempli tout l'espace, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en épargne. Fanasalullah, hein, il dit, فَنَحْنُ نُحَذِّرُ الشَّبَابَ السَّلَفِي مِنْ مُخَالَطَةِ هَؤُلَاء وَالِاسْتِئْنَاسِ بِهِمْ وَالرُّكُونِ إِلَيْهِمْ فَلْيَعْتَبِرُوا بِمَنْ سَلَفَ ممن يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع. Le Cheikh il dit donc que on avertit les jeunes parmi les gens qui sont sur la voie des salafs, les jeunes salafis, on les met en garde du fait de s'associer, de se mélanger avec les gens de bid'ah, hein, et de se sentir à l'aise avec eux, et d'essayer de se rapprocher d'eux et de pencher vers eux. Et on leur donne comme leçon les exemples des salafs qui nous ont précédés. Il dit, il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous se laisse tromper lui-même à croire que il est capable, il va arriver vers les jeunes bid'ah et puis il va les guider. Hein, il dit, ah, je vais les guider de leur égarement. Je vais les faire sortir de leur déviation et de leur égarement. Il y a des gens parmi les frères, parfois, parmi les soeurs, ils disent, bon, je vais lui parler. Il voit quelqu'un parmi les gens de bid'a qui fait la da'wa à sa bid'a, hein, qui appelle, qui invite à l'égarement. Il dit, bon, peut-être qu'il ne sait pas, peut-être qu'il n'a pas appris, je vais lui donner la nasiha, ou bien je vais lui faire la da'wa, je vais lui parler. Et il pense que le pouvoir de guider, hein, certains s'imaginent qu'ils ont la capacité de guider les gens. Hein. Puis il y en a qui pensent aussi que parce qu'ils sont très gentils ou parce qu'ils utilisent la douceur, que les gens vont accepter d'eux automatiquement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le meilleur comportement, la meilleure personnalité, les mouchriquins n'ont pas accepté de lui au tout début. Donc c'est pour dire que parfois, si quelqu'un est aveuglé et qu'il suit l'égarement, même si tu utilises avec lui le meilleur comportement, il ne va pas accepter la vérité, même si tu lui parles de la façon la plus douce. Donc c'est pour faire comprendre que le pouvoir de guidance, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il appartient. Toi, tu peux leur indiquer le droit chemin, tu peux leur donner leur appel, tu peux leur donner le bon conseil, les avertir, mais par la suite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge de la guidance des cœurs. Donc toi, tu ne peux pas les faire sortir de leur égarement, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains parmi ces gens-là qui se rapprochent des gens de bid'ah, qui disent je vais aller participer avec eux et je vais essayer de les rapprocher de la sunna, et bien tu vois que petit à petit ils commencent à balancer d'un côté et de l'autre. Hein? Et puis jusqu'à ce qu'ils commencent à pencher complètement et à tomber complètement vers les gens de bid'ah et ils rentrent avec eux. Le Cheikh dit « Wa qad madat tajarub min fajr tarikh al-Islam » فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبأ وقعوا في الضلال وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى المختار ابن أبي عبيد وقعوا في الضلال وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين من رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال وكثيرون وكثيرون جدا ولكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان وكان من أهل السنة وهوى امرأة من الخوارج فأراد أن يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها فأوقعته في البدعة قبحه الله وكان يريد أن يهديها فضل بسببها. Le Cheikh il dit, et on a des exemples de ceux qui nous ont précédés à travers l'histoire de l'islam, de certains parmi les Sahaba, de certains parmi les enfants des Sahaba, les fils des Sahaba, qui ont penché vers Ibn Sabah, et ils sont tombés dans l'égarement. Et certains parmi les fils des Sahaba, les enfants des Sahaba et des Tabi'in, qui ont penché vers Al-Mukhtar, Ibn Abi Ubayd, et ils sont tombés dans l'égarement. De certains parmi les gens d'aujourd'hui qui sont tombés vers les du'ats qui appellent à la politique et qui sont tombés dans l'égarement parce qu'ils ont suivi les gens qui sont à la tête de ces innovations aujourd'hui. Et il y en a beaucoup d'autres également qui sont très nombreux et on va mentionner l'exemple de l'histoire de Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan, je crois que le frère Hassan Abu Asma vous en a parlé plus tôt, c'était un homme parmi les gens de Ahlus Sunnah, et il a aimé une femme, il a voulu l'épouser, et il savait qu'elle faisait partie des Khawarij, donc il dit, je vais l'épouser puis je vais la guider à la Sunnah, je vais l'amener à la Sunnah. Et au lieu de la guider à la Sunnah, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'est lui qui l'a suivi, et c'est elle qui lui a fait la da'wah, et c'est lui qui est devenu parmi les Khawarij par la suite. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, il a voulu la guider, et il s'est fait égarer à cause d'elle. Et ça, c'est la situation de beaucoup d'entre les gens aujourd'hui. Il y en a qui rentrent avec les gens de bétail, ils disent, moi, je vais aller parmi eux. Moi, j'ai de la sagesse, moi, j'ai le bon comportement, j'ai la bonne méthode. Hein, je suis intelligent. Je vais rentrer parmi eux, je vais commencer à leur faire la da'wah, je vais leur parler doucement, et puis après, ils vont accepter, puis ils vont suivre la vérité par la suite. Et puis tu le vois petit à petit commencer à changer son message, à essayer de satisfaire les gens à qui il parle pour leur faire plaisir, et il cache des choses de la vérité, et petit à petit tu vois qu'il commence à devenir comme eux. Et à la fin tu peux plus distinguer entre lui et ces gens-là. Donc c'est comme ça, à la base, ça part d'une bonne intention de la part de cet individu-là. Mais malheureusement, ils ne sont pas la bonne méthode pour arriver à guider les gens et à leur montrer le droit chemin. وكثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي يقول أنا أدخل مع أهل الأهواء لأهديهم أو لأهديهم فيقع في حبائلهم. Il y a beaucoup parmi les gens qui sont dans le manhaj salafi et qui disent, moi je vais rentrer avec les gens de la passion, avec les gens de la bid'a, et je vais les guider à la Sunnah. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est qu'ils rentrent avec eux pour les guider, puis ils tombent dans leur piège. Et puis ils deviennent un des leurs. Il y en a comme ça même, parmi les gens qui se disaient salafis, et qui ont cru que c'était correct, par exemple, d'utiliser comme méthode, la méthode démocratique. Ils ont dit, on va établir un État islamique. On va rentrer dans le Parlement, on va prendre le plus grand nombre de sièges. Comme ça, lorsqu'on va avoir un grand nombre de sièges, on va pouvoir faire voter des lois qui sont en accord avec les lois islamiques, et puis on va pouvoir établir par la suite un État islamique petit à petit comme ça. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens-là à la longue? C'est qu'on a vu que petit à petit, ils sont devenus eux-mêmes comme des gens qui sont dans le Parlement dans lequel ils essayaient de changer la réalité des choses. Et qu'une fois qu'ils sont rentrés dans ce Parlement-là, ils ont voulu rester, et c'est eux qui ont changé, et c'est pas le Parlement qui a changé. Ils n'ont rien changé de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans la société, au contraire, c'est le Parlement qui les a changés, eux, et qui sont devenus parmi les gens de l'égarement. Donc ils partent au début avec une bonne intention et des bonnes prétentions, puis par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est eux qui changent. Donc, celui qui veut changer les choses, qui veut ramener du bien, réformer les choses, il doit suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que s'il suit une autre méthode, eh bien, il ne va pas amener la vraie réforme, et il risque de s'égarer lui-même. Et c'est le cas de ce qui se produit, justement, malheureusement, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir plus de sagesse que l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des salaf al-salih dans leur façon de faire la da'wah et dans leur façon de présenter la vérité aux gens. Ensuite, le cheikh dit, Abd al-Rahman ibn Muljim wa Umran ibn Hattan kulluhum kana yantami ila sunnah thumma waqa'a fi al-dalal wa ada bi Abd al-Rahman ibn Muljim fujurahu ila an qatala aliyan وأدى بعمران ابن حطان فجوره إلى أن مدح هذا القاتل نسأل الله العافية. قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا أكرم بقوم بطون الطير طبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit Abdurrahman ibn Muljim et Imran ibn Hattan. À la base, ils appartenaient à la Sunna. Puis ils sont tombés dans l'égarement. Et cet égarement-là a amené Abdurrahman ibn Muljim, hein, la perversité, sa perversité l'a amené jusqu'à tuer Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et à rentrer dans la voie des gens des Khawarij. Et à s'imaginer qu'il faisait une bonne action en tuant Ali, radiallahu anhu. Et ça a amené par la suite la perversité de Imran ibn Hattan, celui qui a été égaré par la femme parmi les Khawarijis. Il y en a qui pensent que les Khawarij c'est seulement des hommes. Hein? Et non, il y a des Khawarij même parmi les femmes, et parfois elles sont plus dures même que les hommes dans leurs égarements. Et comme on a vu dans cet exemple, elles sont même capables de faire égarer des hommes, hein, du droit chemin. Donc, à cause de cette perversité-là, Imran ibn Hattan, qui est rentré avec les Khawarij, il a écrit un poème pour glorifier Abdurrahman ibn Muljim qui a tué Ali radiallahu anhu. Hein? Et il a écrit un poème dans lequel il glorifie ce criminel et il dit, et en parlant du coup qu'il a donné pour le tuer, il dit que cet individu-là qui était un taqi, en parlant de Abdurrahman ibn Muljim, hein, il a donné un coup, hein, et par lequel il ne voulait plaire à personne d'autre que le maître du trône, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherchait seulement l'agrément d'Allah en frappant et en tuant Ali radiallahu anhu, Allah musta'an. Et c'est ça le danger de la bid'a. C'est que la bid'a, quand quelqu'un l'a fait, il s'imagine qu'il se rapproche d'Allah. Hein? Et ça c'est beaucoup plus grave que le péché que quelqu'un veut faire, puisque comme je l'expliquais dans le dernier cours, quand quelqu'un fait un péché, il sait que ce qu'il fait c'est haram, il sait qu'il s'éloigne d'Allah, et que Allah déteste ce péché-là, tandis que le mubtadi', il tue un sahabi, il s'imagine qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en le faisant. Et il dit, je me souviens de lui lorsque je pense à cette action qu'il a faite, et je considère que c'était une des personnes les plus honnêtes dans la balance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il souhaite l'honneur pour des gens, et il dit que leurs tombes sont les corps des oiseaux, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis aux martyrs qu'ils vont être dans le paradis dans des oiseaux verts qui volent dans le paradis jusqu'au jour de la résurrection. Et ben il considérait que Abdurrahman ibn Muljim faisait partie des martyrs et qu'il allait être justement dans le corps de ces oiseaux dans le paradis jusqu'au jour de la résurrection. Hein? Et donc ça c'est l'exemple de cet égarement de cet individu-là jusqu'à la fin des vers qu'il a mentionnés. Donc vous voyez comment quelqu'un peut tomber dans l'égarement et à quel point il peut aller dans la glorification d'un criminel, Allah al-Musta'an. Après le Cheikh dit وحصل لعبد الرحمن لعبد الرزاق من أئمة الحديث أن انخدع بعبادة والزهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في حبائل التشيع. Il dit, et c'est arrivé à un des imams du hadith, عبد الرزاق, il s'est fait tromper par l'adoration et le zuhd de جعفر بن سليمان الضبعي. Et yani, à cause de ça, il est tombé dans les pièges des gens de Tashayyu, c'est-à-dire les Shia. Hein? Et il dit, « وَانْخَدَعَ أَبُو ذَرْبْ الْهَرَوِي رَوِي الصَّحِيحْ بِرِوَيَاتِ وَهُوَ مِنْ أَعْلَامِ الْحَدِيثِ انْخَدَعَ بِكَلِمَةٍ قَالَهَا الدَّارَ قُتْنِي فِي مَدْحِ الْبَاقِلَانِ فَجَرَّتْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي مَدْحِ الْبَاقِلَانِ إلى أن وقع في حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية وانتشر بسببه المذهب الأشعري في المغرب العربي فأهل المغرب يأنسون إليه ويأتونه ويزورونه فبث فيهم منهج الأشعري وهم قبله لا يعرفون إلا المنهج السلفي فسن لهم سنة سيئة نسأل الله العافية. Le Cheikh Rabi' Hafizahullah, il nous dit qu'également Abu Dhar al-Harawi, il a été trompé, hein, Abu Dhar al-Harawi, qui était un des rapporteurs du Sahih, un des grands savants du Hadith. Il a été trompé à cause d'une parole qu'il a lue de l'imam al-Daraqutni, dans laquelle il a glorifié al-Baqilani. Al-Baqilani, qui fait partie des Asha'ira. Donc, il a entendu al-Daraqutni dire à son sujet une bonne parole. Alors, il a été trompé par cette bonne parole. Et cette parole-là l'a amené à glorifier lui-même al-Daraqutni, al-Baqilani, pardon, à cause de ça. Et donc, il est tombé dans les pièges des Asha'ira après, par la suite. Et il est devenu par la suite un da'iyah. Hein, quelqu'un qui invite les gens à la voie des Asha'ira à cause de cette parole. Et à cause de lui, c'est-à-dire à cause d'Abu Dhar al-Harawi, la bid'a des Asha'ira s'est répandue dans le Maghreb, hein, dans le Maghreb arabe. Et les gens du Maghreb par la suite, hein, se sont rapprochés de lui et ils allaient le voir, ils allaient le visiter et il leur insoufflait, hein, la voie et le manhaj des Asha'ira par la suite. Et ils l'ont accepté de lui, alors qu'auparavant, les gens du Maghreb ne connaissaient que le manhaj des salafs. Hein? Ils ne connaissaient que la aqida des salafs. La aqida de l'imam Malik, Ibn Anas, Hafizahum, radiallahu, rahimahullah. Et donc, Abu Dhar al-Harawi, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a ouvert la porte vers une mauvaise sunna. Hein? Une sunna sayyi'a. Comme on dit. نسأل الله العافية. سأسأل نكذب. أبخل الشيخ زي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. فنسأل الله العافية. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement que celui qui invite à une bonne guidance, à quelque chose de bien, à une guidance, il aura la récompense pour le bien qu'il a fait et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans ce bien et dans cette guidance, sans que ça diminue rien de ses propres récompenses à lui. Et celui qui invite les gens à un égarement, il les appelle à l'égarement, il aura le péché et le poids de cet égarement-là, et le poids de tous ceux qui l'ont suivi dans cet égarement-là, sans que ça diminue rien de son propre poids et de son propre péché. Et ça, c'est rapporté, hein, dans les hadiths sahih. Cette version, c'est celui de Ibn Majah. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner du fait que certains d'entre les gens qui suivent un égarement appellent les autres à cet égarement-là. Ils s'imaginent que peut-être que ils auront seulement leur propre péché à porter sur leurs épaules, mais tous ceux qui l'ont suivi jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour du jugement dernier, eh bien, ils auront le poids de tous ceux qui l'ont suivi dans cet égarement-là. وَالْبَيْهَقِي إِنْ خَدَعَ بِبَعْدِ أَهْلِ الضَّلَالِ كَبْنِ فُرَكِ وَأَمْثَالِهِ وَكَانَ مِنْ أَعْلَامِ الْحَدِيثِ. Donc, le Cheikh dit, l'imam al-Bayhaqi, il s'est fait tromper par certains parmi les gens de l'égarement, comme Ibn Furak et des gens de sa catégorie. Alors que l'imam al-Bayhaqi faisait partie des imams, parmi les imams du hadith, hein, parmi les grands savants du hadith, et il s'est fait tromper. Avec toute la science qu'il possédait, hein, on a donné des exemples de plusieurs parmi des grands ulama de hadith qui ont été trompés dans leur manhaj à cause de certains égarés, à cause de certains mubtadi'ah. Et c'était des savants, et c'était des imams. Hein? Donc le cheikh il dit ensuite, « Anta jahil, wa tathiqu bi nafsik, wa taghtar bi nafsik, wa anta ma indaka ilm yahmik, fa anta awla mi'at al-marrat bil wuku'i fil bid'ati min ha'ula. Wa ankhada' al-bayhaqi bibn furak fa waqa'a fil ash'ariya. وكثير من الناس. Donc le cheikh il dit, toi tu es ignorant et tu te fais confiance à toi-même, t'as confiance en toi, t'as de l'ignorance, hein, t'es un ignorant et t'as confiance en toi et tu te laisses tromper toi-même, tu n'as même pas de science pour te protéger dans ta religion et tu penses que ça y est, t'as confiance en toi, t'es capable d'aller parler avec les gens de Bid'a et de les affronter et de les débattre avec eux ou d'argumenter pour les ramener à la sunna. Hein? Alors que on voit des exemples des grands imams, des grands ulama qui ont été trompés eux-mêmes. Hein? Donc le cheikh il dit, si c'était le cas, comme si c'était comme ça, il dit, toi tu t'as pas d'ilm et tu as confiance en toi-même. Tu penses qu'avec ton intelligence et avec le peu de connaissances que tu possèdes, tu es à l'abri, que tu es protégé de l'égarement. Alors que tu mérites encore plus d'être égaré que ces imams-là de l'islam qui se sont fait tromper dans leur aqidah et dans leur manhaj et qui sont tombés dans la bid'ah. Hein, comme l'imam al-Bayhaqi qui s'est fait tromper par Ibn Furaq et qui est tombé dans la bid'ah des Ash'ariyah, hein, et beaucoup d'autres parmi les gens. وفي هذا العصر أمثلة كثيرة ممن عرفناهم كانوا على المنهج السلفي ولما اختلطوا بأهل البدع ضلوا لأن أهل البدع الآن لهم أساليب ولهم نشاطات ولهم طرق يمكن ما كان يعرفها الشياطين في الوقت الماضي فعرفوا الآن هذه الأساليب وهذه الطرق وكيف ينخدعون الناس. Le cheikh il dit que il y a des exemples, des gens à notre époque, on connaissait ces gens-là comme étant des salafis. Et quand ils se sont mélangés avec les gens de Bid'a, ils se sont égarés. Et les gens de Bid'a aujourd'hui, ils ont des méthodes, ils ont des techniques, ils ont des activités qu'ils font. Et ils ont des moyens qu'ils utilisent, peut-être même que les shayatines dans le passé, ils ne les connaissaient même pas ces voies-là. Et aujourd'hui, ils les ont découverts. Hein, ils ont appris ces ruses et ces façons de tromper les gens à notre époque. فَمِنْ أَسَالِيبِهِمْ أَنَّكَ تَقْرَأْ وَتَأْخُذِ الْحَقْ وَتَتْرُكِ الْبَاطِلِ كَثِيرٌ مِنَ الشَّبَابِ لَا يَعْرِفُ الْحَقْ مِنَ الْبَاطِلِ ولا يميز بين الحق والباطل فيقع في الباطل ويرى أنه حق ويرفض الحق ويرى أنه باطل وتنقلب عليه الأمور كما قال حذيفة رضي الله عنه إن الضلال كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. يقول الشيخ parmi les ruses des gens de bid'a à notre époque, parmi leurs méthodes, hein, parmi ces chisbillés, hein, et ces gens de bid'a, ils disent, tu lis tous les livres que tu veux, n'importe quel, sans exception. Hein, parce que ils savent que les gens qui sont sur le manhaj des salaf, ils font attention à ce qu'ils lisent. Et ils questionnent sur les auteurs et sur le sujet des livres avant de les lire. Ils demandent, qui est cet auteur? Est-ce que c'était quelqu'un qui était sur une bonne compréhension de l'islam? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une bonne aqida? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon manhaj? Ils n'achètent pas n'importe quel livre. Ils ne lisent pas n'importe quel livre. Alors ces gens-là, ils disent, non, écoute pas ces gens-là. Les gens qui vous disent, regardez, il faut pas lire tel livre, il faut pas lire tel livre, il faut pas lire un tel et un tel. Ces gens-là, il faut pas les écouter. Prends les livres et lis ce que tu veux. Et puis tu prends le bien qui est dans le livre et le mal tu le rejettes. Hein? Et c'est souvent cette technique-là qu'ils donnent aux gens. Ils disent, allez, dis tout ce que tu veux. Tu prends le haq et tu laisses le batil. Et le cheikh dit, beaucoup des jeunes, ils n'ont pas la connaissance justement de la vérité. Et ils ne connaissent pas le faux non plus. Hein? Donc comment ils vont faire pour distinguer dans ce livre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux alors qu'ils n'ont pas d'ilm? Hein? Toi, tu leur dis, il y a des gens comme ça, hein, parmi les gens de Bid'a maintenant, ils disent aux gens, non, prends, va dans les livres, va dans ce que tu veux, et tu prends le haq, qu'est-ce qui est bon, tu le prends, et qu'est-ce qui est mauvais, tu le laisses. Le problème, c'est que tu t'adresses à des gens qui n'ont pas de ilm, tu t'adresses à des gens qui ne connaissent pas la différence dans les choses qui sont détaillées, qu'est-ce qui est haq et qu'est-ce qui est batil. On n'a pas de moyen de le savoir ou de le connaître, puisqu'on n'a pas étudié ces choses-là. Et donc tu appelles les gens à tomber dans l'égarement en leur disant des choses pareilles. Tu appelles les gens à tomber dans l'égarement parce qu'ils ne peuvent pas distinguer entre qu'est-ce qui est haq et qu'est-ce qui est batil. Donc ils vont prendre le batil et ils s'imaginent que c'est le haq. et ils vont rejeter le haq en pensant que c'est batil. Et c'est ça ce qui se produit souvent. Et donc les choses deviennent toutes confuses et mélangées dans leur esprit par la suite, parce qu'ils n'ont pas affirmé leur manhaj, ils n'ont pas affirmé leur aqida, ils n'ont pas acquis suffisamment de science pour être capable de juger et d'analyser les choses, pour être capable de distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc il faut, le musulman il protège son cœur, le musulman il protège son cœur pour s'éloigner de la fitna, pour s'éloigner de l'égarement. Alors, ça c'est une des ruses qu'ils utilisent. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, un des sahaba, radiallahu anhu, il disait, yani, l'extrême de l'égarement, hein, l'égarement total, c'est quoi? C'est lorsque tu condamnes ce que tu es, ce que tu reconnaissais, et lorsque tu reconnais ce que tu condamnais auparavant. C'est-à-dire, tout est devenu à l'envers pour toi. Qu'est-ce qui était bid'a, maintenant ça devient sunnah? Qu'est-ce qui était sunnah, maintenant ça devient bid'a? Ça, c'est l'égarement total. Et il y a des gens, aujourd'hui, justement, ils sont sur la sunnah, ils sont sur le haq, ils commencent à lire n'importe quel livre, ils prennent de n'importe quel prêcheur, ils écoutent n'importe quel orateur, et puis ils commencent à entendre des choses qui leur mélangent toute leur compréhension. Et puis après, ils voient que la sunnah, ça devient pour eux la bid'a. Et la bid'a, ça devient la sunnah. Et le haq devient le batil, et le batil devient le haq. Est-ce que ça c'est possible? Quelqu'un ne peut pas être haq, quelque chose ne peut pas être haq, quelque chose ne peut pas être vrai et faux en même temps. Si c'était faux, ben ça doit rester faux, ça ne peut pas devenir vrai. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que cette personne-là a été renversée dans sa compréhension. Et ça, il n'y a rien d'autre que l'égarement pour décrire cette situation-là. Ad-dalala, kull ad-dalala. Et c'est ça que Hudhayfa a dit. فَتَرَا هَذَا سَائِرٌ فِي الْمَيْدَانَ السَّلَفِي وَالْمِدْمَارَ السَّلَفِي مَا شَاءَ اللَّهُ مَا تَحِسُ إِلَّا وَقَدْ إِسْتَدَارَ الْمِسْكِينَ فَإِذَا بِهِ حَرْبٌ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَصْبَحَ الْمُنْكِرْ عِنْدَهُ مَعْرُوفًا وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَهُ مُنْكَرًا وَهَذِهِ هِيَ الضَّلَالَةُ كُلَّ الضَّلَالَةِ فَنَحْنُ نُحَذِّرُ الشَّبَابَ السَّلَفِي من الاغترار بأهل البدع والركون إليهم. Cheikh il dit, donc tu vois, ces choses-là se produisent sur le terrain, hein, et tu vois que c'est ce qui se passe à l'intérieur du cœur de certains parmi les salafis, et tu peux pas t'en apercevoir parfois de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, jusqu'à ce que tu vois que tout d'un coup, ce pauvre individu devient un ennemi de la sunna et des gens de la sunna, et qu'il commence à critiquer et à combattre la sunna alors qu'auparavant il la défendait. Et on a vu des exemples comme ça dans les années récentes, il y a des gens qui ont complètement viré comme ça, 180 degrés complètement, hein. Subhanallah, un jour tu rentres l'adresse d'un site dans la barre de l'internet, et tu rentres l'adresse d'un site, que tu vois que des sites salafis. Le lendemain, tu te réveilles, tu rentres la même adresse, tu trouves que des sites de bid'a. Et après, qu'est-ce que tu entends? Le responsable de ce site a changé de voix. Il défendait la sunna maintenant, il défend la bid'a, il défend le shirk, il défend le soufisme, il défend, yani, le kouburiya, hein, il défend les gens qui appellent les morts, qui invoquent les morts. Comment vous pensez que du jour au lendemain, il a quitté le tawhid et est allé dans le shirk? Il défendait la sunna, maintenant il défend la bid'a. Hein? Il défendait la haq, maintenant il défend le batil. Hein? Et ben c'est ça qui arrive. C'est parce qu'il a écouté les paroles des gens de l'égarement. Il a fait confiance aux gens de l'égarement. Il a écouté leurs arguments. Et il s'est fait tromper par le shaitan. Donc le mal est devenu le bien pour lui, et le bien est devenu le mal pour lui, et ça c'est l'égarement, c'est l'égarement total. Et donc on avertit les jeunes parmi les salafis de ne pas se laisser tromper par les jeunes bid'a et de pencher vers eux. Et on voit à notre époque, il y a des kuffars, il y a dans les médias, quand ils parlent des musulmans, ici en France ou ailleurs, on dit bon, parmi les musulmans, il y a différentes tendances, il y a les tablirs, il y a les ikhwan, il y a les salafis, et ils essaient de faire comprendre que il y a ces différents groupes, et que tous ces groupes-là sont comparables. Mais il n'y a pas de comparaison à faire. La voix des salafs, elle ne peut pas être comparée à la voix des ikhwan, les frères musulmans. Avant 1928, la voix des ikhwan n'existait même pas. Avant 1927, la voix des ikhwan, elle n'existait même pas. Sahih al-Bukhari, il existait des siècles et des siècles avant ces voix-là. Hein? Mohamed Elias, Hassan al-Banna, c'est récent ça dans l'histoire de l'islam. Mais le manhaj des salafs, il existait depuis l'époque des sahabes. Est-ce qu'on peut comparer des choses comme ça? On peut comparer la voix des salafs avec des groupes qui viennent d'être créés à notre époque, hein, des voix d'égarement qui suivent des croyances innovées, hein, des croyances de soufis, des croyances de ash'ariya, des croyances de bid'a et de shirk. On veut mélanger ça et comparer ça avec la voix des salafs salih. Et après ils se demandent, mais comment ça se fait que on remarque que les salafis commencent à devenir de plus en plus nombreux, puis qu'on commence à voir de plus en plus de sœurs qui portent le sitar et le djilbab et le niqab. Et ils sont étonnés de ça. Ils se demandent, mais comment ça se fait? Mais c'est parce que c'est l'islam. Mais c'est parce que c'est l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et qu'à la base, ceux qui sont venus s'installer en Europe et en Occident, c'était des ikhwan, c'était des tablir, c'était des jeunes bid'a. Mais que lorsque la sunna a commencé à entrer et commencé à se propager, les gens ont tout de suite vu et remarqué que la vérité, elle est claire. La vérité, elle est claire. Le Coran et la Sunna, ils sont là comme témoins pour défendre la vérité, pour clarifier la vérité. Bon, il y a eu la fitna aussi avec les takfiriyin et les khawarij. Hein? Mais ça aussi, hein, ça s'est clarifié lorsque les paroles des ulama ont commencé à être de plus en plus claires. Et ces gens-là, ils fondent maintenant, comme la neige au soleil. Alhamdulillah. Et elle va devenir de plus en plus claire cette voie. Bon, c'est normal, il y a toujours des épreuves et des fitanes. Ça fait partie de la sunna d'Allah. Ça fait partie des épreuves. Mais lorsque, une fois que tu as compris la vérité et que tu as connu la voie des salafs, tu t'accroches à cette voie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, tu mords dedans avec tes molaires. Tu t'accroches à cette voie. Hein? Tu te cramponnes au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu laisses rien te faire tourner ni à gauche ni à droite. Peu importe la force du vent, peu importe les tempêtes, peu importe les troubles et les tribulations, tu t'accroches et tu restes ferme et tu ne bouges pas. Tu restes cramponné et tu t'accroches au tronc d'arbre, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et tu ne suis pas aucun parmi les groupes d'égarement, aucun individu qui t'appelle à sortir de cette voie parce qu'elle est claire. « Layluha kanahariha, la yaziru anha illa halik » Sa nuit est comme son jour, elle est toujours claire. Et nul ne s'en écarte excepté celui qui périt. Et donc c'est cette voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette voie qu'il nous a ordonné de suivre. فَأَنْصَحُ الشَّبَابَ أَوَّلًا أَنْ يَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَأَنْ يُجَالِسُوا أَهْلَ الْخَيْرِ وَأَنْ يَحْذَرُوا أَهْلَ الشَّرِّ فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ مَثَلًا لِلْجَلِيسِ السُّوءِ وَآثَارِهِ السَّيِّئَةِ وَالْجَلِيسِ الْخَيْرِ وَآثَارِهِ الطَّيِّبَةِ فَقَالَ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تتبع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة يعني أنت رابح ومستفيد منه على كل حال من الأحوال لا تجد منه إلا الخير كالنخلة كلها خير كلها نفع كما هو مثل المؤمن والجليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن لا تسلم من دخانه. Donc le cheikh il dit, je donne le conseil aux jeunes salafis, premièrement de chercher la science. La science c'est la lumière. La science, c'est la lumière et c'est la voie du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a clairement expliqué. Hein? Donc oui, de chercher la science et de rester en compagnie des gens du bien. Et de prendre garde aux gens du mal. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple en comparant la personne qui s'assoit avec la personne qui appelle au bien et qui est sur le bien, et la personne qui appelle au mal et qui est sur le mal, en le comparant à celui qui vend du parfum et celui qui souffle le verre ou à un forgeron. Hein? Et donc il dit, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon, c'est comparable à celui qui vend du misc, il vend du parfum, le bon compagnon, le sunni, le salafi, celui qui est sur la sunna et qui s'écarte de la bid'a, qui est sur le tawhid et qui s'éloigne du shirk et du kufr. Hein? Ça c'est le bon compagnon, il s'éloigne des péchés, il s'éloigne de la bid'a, il s'éloigne du shirk, il s'éloigne du kufr. Sahibul misk, c'est lui, le bon comportement, hein? La bonne aqidah, le bon manhaj. Tout de lui est bon, il est comme le vendeur du misk. Hein? Soit qu'il va te vendre du parfum, hein? Ou bien il va t'en donner un peu. Et ou bien, s'il ne t'en vend pas ou qu'il ne t'en donne pas, au moins tu vas sentir une bonne odeur de lui. Hein? Tu vas profiter de toute façon. Tu vas jamais perdre avec lui. Tu n'es jamais perdant. Hein? Tandis que le mauvais compagnon, il est comparable au forgeron ou à celui qui souffle le verre. Soit il va te brûler tes vêtements, ou bien tu vas être ennuyé par sa mauvaise senteur, sa mauvaise odeur, par la fumée qu'il dégage. Hein? Donc ça c'est l'exemple, et ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le croyant il n'est que bien fait. Le croyant sunni, salafi, le bon manhaj et la bonne aqidah, il n'est que bien fait. Il n'amène que le bien. Tandis que le mubtadi', celui qui appelle à la bid'a, ou qui appelle au shirk, ou qui appelle au péché, qui appelle à l'égarement, à la déviation, eh bien c'est l'exemple de celui qui est le forgeron, ou celui qui souffle le verre. Ça c'est l'exemple. Il te fait toujours du tort. Soit qu'il brûle tes vêtements, ou soit qu'il il te nuit avec son mauvaise odeur. Fal ada la buddha, hein, لاحق بك والشر لا بد أن يلحق بك جسيما أو خفيفا فإذا كان لا بد من الضرر من مجالسة أصحاب السوء فلماذا تحرص على مجالستهم ومخالطتهم ما دليلك على الجواز الشيخ الزي لفانس المال لنوزانس C'est certain que tu vas en avoir de la part de ces gens de bid'a. C'est certain qu'ils vont te faire du tort. Soit ils vont te faire un petit peu de tort ou beaucoup. Mais il y a quand même du tort qui va t'atteindre de la part de ces gens-là. Donc si tu sais que tu vas absolument être recevoir de leur part du mal, alors pourquoi tu insistes à vouloir être en leur compagnie et à vouloir rester avec eux? Hein? Et il y en a parmi ces gens-là, il y en a, subhanallah, ils appellent à leur bid'a et ils cherchent un auditoire. Ils cherchent des gens qui vont les écouter. Et ils veulent de toi que justement tu penses, ou te donner l'espoir que tu peux être capable de les faire changer. Pour être capable de t'insouffler le plus possible de shubuhat, pour mettre les doutes dans ton cœur. Hein? Lui, le mubtadi', il sait que peut-être qu'il ne va pas être capable de te changer du premier coup. Mais qu'est-ce qui compte pour lui? C'est qu'ils réussissent à faire rentrer en toi juste un petit doute seulement. Et que ce petit doute-là, il commence à pousser, et à grossir, et à devenir de plus en plus grand, jusqu'à ce que par la suite, il couvre ton cœur au complet et que tu t'égares par la suite. Donc il va te dire du vrai, il va le mélanger par la suite avec le faux. Et c'est comme ça la méthode des gens de Bida. Le cheikh il dit, c'est quoi ta preuve? C'est quoi ta preuve que c'est permis de s'asseoir avec eux, avec les gens de bid'a? Quelle est ta preuve? Le cheikh il dit, Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, hazzara. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, anzara. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, bayyana al-khatar. Fama huwa uzruk. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a averti. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a averti et il a clarifié le danger de ces gens-là. Alors, c'est quoi ta preuve? C'est quoi ton excuse pour rester avec eux? Wa a'immatul islam حذروا وأنذروا ونفذوا توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهات القرآن الكريم والسنة فبأي دليل تخالف منهج أهل السنة والجماعة وتتحذى إخوانك الذين يحبون لك الخير ويخافون عليك من الوقوع في الشر. Donc le cheikh il dit, les imams de l'islam également ont mis en garde et ils ont averti. Et ils ont exécuté les indications et les conseils du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et les indications et les conseils du Coran et de la Sunna. Alors, quelle est ta preuve pour aller en contradiction avec ces enseignements et les enseignements du manhaj de Ahl Sunna qui wal Jama'a? Hein, tu veux défier tes frères qui t'aiment et qui veulent le bien pour toi, hein, et qui craignent pour toi que tu tombes dans le mal, hein. Quand un frère donne le conseil à quelqu'un et qu'il l'avertit de faire attention aux gens de bid'a, ça doit être parce que cet individu-là, il veut le bien pour son frère, parce qu'il aime son frère, parce qu'il veut la guidance pour son frère et qu'il craint le mal pour son frère. C'est avec cette intention-là que le musulman doit donner le bon conseil. فأنا أنصح الشباب السلفي أينما كانوا وأينما نزلوا أن يدرسوا منهج السلف وأن يعرفوا قدر أهل السنة والجماعة وأن يدركوا فيهم أنهم أهل النصح وأهل الخبرة وما يقولونه والله يتحقق في من يأخذ بقولهم أو يخالفهم فمن خالفهم فالغالب عليه الوقوع في الباطل والوقوع في الشر ومن استفاد منهم سلم ونجا والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء. La chef il dit, je donne le conseil aux jeunes salafis, peu importe où ils sont, peu importe où ils vont, d'étudier le manhaj des salafs et qu'ils sachent la valeur de la voie d'Ahlus Sunnati wal Jama'a et qu'ils comprennent que ce sont les gens qui veulent le bon conseil et le bien pour les gens. Hein? Contrairement à ceux qui vous disent aujourd'hui, mais non, vous pouvez lire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes intelligent, hein? Prenez tout ce qu'on vous donne et après vous allez prendre le bien et laisser le mal. Est-ce que ça c'est la nasiha? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends le bien, prends quelque chose qui a du mal dedans, mélangé avec le bien? Non, il t'a donné la source pure. Hein? Si tu sais que par exemple, dans un livre il y a 50% de bon et 50% de mauvais, et que dans l'autre livre il y a 100% tout est bon, pourquoi tu veux absolument aller vers celui qui a 50-50? Pourquoi tu ne vas pas vers celui qui est clair, qui est propre, qui est correct? Et on dirait qu'aujourd'hui c'est toujours ça. Quand quelqu'un sait qu'un individu, des savants ont mis en garde à son sujet, et ils ont clarifié que cet individu-là, il a des erreurs, et que l'autre, il est correct, il a une bonne aqida et un bon manhaj, vous pouvez prendre de lui les yeux fermés. Il est connu, il est correct. Pourquoi les gens vont toujours essayer de dire aux gens de suivre celui au sujet desquels il y a des problèmes? Et pourquoi ils veulent toujours insister pour essayer de les défendre? Alors que on sait que celui-là, il est correct. Et que cette voie-là, elle est claire. Hein? Si je te dis, il y a une voie, tu veux aller par exemple à Paris, ce chemin-là, dans cette voie-là, il y a beaucoup de glace, il y a beaucoup de neige, il y a des trous, il y a des dangers. Cette autre voie, cet autre chemin pour y aller, la voie, elle est propre, elle est claire, il n'y a pas de problème dessus. Tu vas rouler en toute sécurité. Pourquoi tu veux absolument prendre celle qui a des problèmes et laisser celle qui est en toute sécurité et qui est propre? Eh bien c'est ça, aujourd'hui on remarque, il y a cette tendance-là chez les gens. On dirait qu'ils font exprès pour contredire les gens de la vérité et insister, hein, à ce que les gens suivent ceux au sujet desquels il y a des problèmes, hein, que les gens ont parlé de leurs erreurs et de leur compréhension. Donc le shérif il dit qu'il faut faire attention donc. à ces gens-là. Il faut savoir que les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont les gens qui veulent le bon conseil pour les gens, qui sont les gens qui ont l'expérience. وما يقولونه والله يتحقق فيما يأخذ بقولهم ويخالفهم. Ce que les salafs ont dit, eh bien, on voit que ça se réalise au sujet de ce qu'ils ont dit, par exemple, comme avertissement. Hein, ils ont dit de prendre leur voie et de s'écarter de ce, au sujet de quoi ils ont averti. Eh bien, on voit que ceux qui font le contraire de ce que les salafs ont dit, on voit qu'en grande partie, qu'est-ce qui arrive à leur sujet, c'est qu'ils tombent dans l'égarement et qu'ils tombent dans le mal. Et ceux qui ont profité des conseils et des avertissements des salafs, on remarque que ce sont eux qui ont été épargnés et sauvés de l'égarement, hein, et qui ont été épargnés de tous les problèmes. Et il n'y a rien qui peut égaler, il n'y a rien qui peut être comparé ou égal au fait d'être sauvé et d'être en paix dans son manhaj et dans sa aqida et dans sa pratique de l'islam. وإذا كان كبار السلف من أمثال أيوب السختياني وابن سيرين ومجاهد وغيرهم لا يطيقون أن يسمعوا كلمة أو نصف كلمة من أهل الباطل ولا يسمحون لك أن تناظر أهل البدع لأن المناظرة تجرك إلى الوقوع في الفتنة فهم أهل خبرة وأهل ذكاء وأهل نصح فأوصي الشباب أن يستفيدوا أولا من كتاب الله ثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالثا من توجيهات ومواقف السلف الصالح بدءا بالصحابة وعلى رأسهم عمر الخليفة الراشد وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضوان الله عليهم جميعا. الشيخ الزي les grands parmi les imams des salafs, comme Ayyub al-Sakhtiyani, Ibn Sirin, Mujahid et d'autres également, ils ne supportaient même pas d'entendre une seule parole, une seule phrase parmi les phrases des gens de Bid'a. Les gens de Bid'a venaient les voir et disaient, écoutez, on veut te lire un verset ou un hadith. Et les salafs, ils disaient, même pas la moitié d'un mot, je veux rien savoir. Je ne veux même pas vous entendre. Les jeunes bid'a, quand tu ne veux pas les écouter, quand tu ne veux même pas discuter, parce que c'est ça, eux, ils appellent aux jeunes, on veut juste dialoguer, on veut juste discuter avec vous, échanger, un dialogue amical. Leur intention, c'est de t'inviter à l'égarement, c'est tout. Ils veulent que tu quittes ce que tu es en train de suivre de la sunna, pour les suivre dans leur égarement et dans leur bid'ah. C'est la seule chose qu'ils veulent. Hein? Donc, les salafs, ils disaient, je ne veux pas entendre une parole de toi, même pas la moitié d'une parole, même pas la moitié d'un mot. Hein? Donc, les salafs, ils ne te permettent pas d'aller et de débattre avec eux. Hein? D'aller et de rentrer dans des débats et des argumentations avec eux. Ce n'est pas permis. Hein? Les salafs, ils nous ont interdit de faire ça. Et donc, lorsque tu vas agir comme ça avec eux, ça leur met la rage dans le cœur. Les gens de Bid'a, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'ils cherchent, c'est un auditoire, quelqu'un qui les écoute, pour pouvoir semer leurs mauvaises graines. Mais quand tu leur coupes, depuis le début, tu leur coupes le chemin, ça y est, ils ne peuvent plus répandre leur Bid'a. Hein? Donc, Cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les salafs, ils n'acceptent pas que tu débattes avec eux et que tu commences à faire des argumentations avec eux parce que tu risques de tomber dans la fitna. Et ce sont des gens qui ont de l'expérience, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui donnent le bon conseil. Et il dit, je donne aux jeunes les conseils suivants. Premièrement, de profiter de leur science du Coran, du livre d'Allah. Deuxièmement, de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, des orientations et des indications, des positions des salafs salih, comment ils ont agi face aux différentes bid'a qui sont apparues à leur époque. Hein, les positions qu'ils ont prises, face à ces différentes bid'ahs. Nous, on doit les suivre dans ces exemples-là qu'ils ont donnés. Donc, le cheikh, il dit, par exemple, les exemples, en commençant par l'exemple des salaf al-salih, c'est-à-dire parmi les sahaba, en commençant par Omar, radiallahu anhu, hein, le khalifa bien guidé, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Omar, ridwanallahi alayhim ajma'in. Ils ont tous eu des positions claires lorsque les jeunes bid'ah sont apparus. Et on va donner des exemples de ça. Cheikh il dit, نذكر لكم مواقف بعضهم لأن الوقت لا يتسع لاستقصاء لاستقصائهم. Et on va donner quelques exemples de certaines de leurs certaines situations qui se sont produites à leur époque. Comment ils ont agi face aux jeunes bid'ah à leur époque. Et on peut pas, on n'a pas assez de temps pour élaborer plus que ça. Mais c'est juste pour donner des exemples. أما عمر فقصته مع صبيح بن عسل مشهورة ومعروفة. إذا كان يقذف ببعض الشبهات في أوساط الناس فاستدعاه عمر وضربه ضربا شديدا وأوضعه في السجن ثم استدعاه مرة أخرى وضربه وأوضعه في السجن ثم في الثالثة قال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلي أو فأحسن قتلتي وإن أردت أن يخرج ما في رأسي فوالله لقد خرج فلم يأمن جانبه أبدا بعد كل هذا نفاه إلى العراق وأمر بهجرانه فهذه عقوبة بسبب هذه الشبهات الذي كان يقذفها في أوساط الناس إذا قفتها بالبدع التي تنتشر من أخف الناس بدعة تجد البون الشاسع بينما عند صبير وما عند هؤلاء المتأخرين من الضلالات لأن هذه أخطر وأشد بكثير وكثير ولها دعاة ولها نشاطات مع الأسف الشديد على كل المستويات. الشيخ ربيع كيف يقول يدي عمر بن الخطاب يدي son histoire avec صبير بن عسل elle est bien connue, elle est célèbre. Sabir ibn Asal, c'est un homme hein, qui se promenait dans la ville, parmi les gens, et puis leur posait des questions au sujet du Coran. Mais des questions sur des choses qui n'étaient pas prioritaires, qui n'étaient pas fondamentales. Il leur posait des questions sur des mots hein, qu'ils ne comprenaient pas, ou sur des mots dans le Coran. Par exemple, « Wafaki atan wa abba ». Ils vont demander, mais qu'est-ce que ça veut dire « abba » Hein? Et il prend toute sa concentration, et il donne toute sa quête de la science pour des petites choses comme ça, avant de chercher les sciences qui sont les plus importantes et les plus bénéfiques. À notre époque, on a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui ont la même attitude que Sabir ibn Asal. Au lieu de commencer à chercher la science et à étudier les choses les plus fondamentales et les plus importantes dans l'aqidah et dans le manhaj, hein, pour comprendre l'islam comme il faut à partir de sa base, tu les vois se préoccuper des petits détails, des choses hein, qui les dépassent complètement dans la religion. Et passer des heures et des heures, des jours et des années à essayer d'étudier ces points-là, essayer de les comprendre et délaisser les choses les plus importantes et les plus fondamentales dans la religion d'Allah. Hein? Et donc ça c'est, on montre que ça montre que ce sont des gens qui n'ont pas de manhaj, qui n'ont pas de méthodologie dans leur étude et dans leur apprentissage de l'islam. Le Coran, ils n'ont pas fini de le mémoriser. La Sunna, ils n'ont même pas appris encore Al-Arba'un al-Nawawiyya parfois. Et sans parler des autres sciences. Ils n'ont pas suivi le manhaj et la méthodologie établie par les ulama de l'islam dans la méthode d'étude de l'islam qui est une méthode qui est graduelle et qui part des sciences les plus fondamentale et d'une explication simple et qui évolue par la suite de plus en plus compliquée en étudiant cette religion et en l'apprenant des ulama de l'islam. Donc, ça c'est des exemples. Et donc, Sabir ibn Asal, il dérangeait les gens avec ses questions. Omar ibn Khattab, il a entendu parler de cet individu-là, il l'a fait appeler. Hein? Il l'a fait venir. Alors, Omar ibn al-Khattab lui a dit, j'ai entendu que tu poses des questions aux gens comme ça. Il a pris une palme, hein, des feuilles de palme séchées, il a commencé à le frapper avec. Il a frappé dur sur sa tête. Après, il l'a mis dans la prison pour la nuit. Le lendemain, il l'a sorti, il l'a frappé encore. Et il l'a remis en prison encore une fois. Le troisième jour, il est arrivé pour le frapper, Sabir, il a dit, hein, le troisième jour, il a dit, « Oh Amir al-Mu'minin, si tu veux me tuer, alors tue-moi correct comme il faut. Hein, tue-moi complètement. Cesse de me torturer, tue-moi une fois pour toutes pour en finir. Mais si tu veux faire sortir de moi ce qui était dans ma tête, ça y est, il est sorti. Hein? Le mal que j'avais dans ma tête, ça y est, il est parti. Tu m'as guéri. Hein? Alors, il dit par Allah, il est sorti. Donc, Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit, bon, ça y est, je te fais confiance, tu peux partir? Non. Il l'a exilé de sa ville vers l'Irak, vers l'Irak. Et il a ordonné à tout le monde de ne pas le fréquenter, de ne pas s'asseoir avec lui. Il a dit, personne ne s'assoit avec lui. Personne ne lui parle. Hein? Et quand les gens le voyaient approcher, ils disaient, ah, ça c'est celui que Omar ibn al-Khattab a interdit qu'on s'assoie avec lui. Et ça c'était une punition à cause des choubouats qu'il lançait. Et qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Rabi ici, il dit, les choses qu'il lançait aux gens, les questions qu'il lançait aux gens, c'est rien comparé aux bid'ah et aux choubouats que le moindre des gens de bid'ah aujourd'hui sont en train de propager parmi les gens. Hein? Si tu veux comparer ce que les gens d'aujourd'hui propagent parmi les gens comme égarements, avec ce que Sabir posait comme question, c'est rien, il n'y a même pas de comparaison. Et donc ça c'est pour montrer. Et d'après ce qui est rapporté à propos de Sabir, c'est qu'il n'a pas fini sa vie avant qu'il soit parmi les ulama. À cause de cette, disons, correction qu'il a reçue de Omar ibn al-Khattab, il a compris par la suite, il a cherché la science correctement. Et il est devenu parmi les ulama par la suite. Hein? Donc c'était pour lui montrer et pour lui faire comprendre où est-ce qu'il faut, par quoi il faut commencer, et où est-ce qu'il faut aller, et comment il faut chercher la science, hein, et pas faire lancer des shubuhat et des fitan. Ensuite le cheikh il dit, وَأَمَّ عَلِي ابْنُ عَبِي طَالِبِ فَيَكْفِي أَنَّهُ قَتَلَ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ شر من تحت أذين السماء. Le chef de l'Arabie concerne Ali radiallahu anhu. Donc ça c'est l'attitude de Omar ibn al-Khattab face à Sabir. Maintenant l'exemple de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu face au Khawarij, la première parmi les sectes d'égarement qui est apparue dans l'islam. Comment il a agi envers eux? Est-ce qu'il a dit, oh ben c'est, on est tous musulmans, il faut tous s'aimer, on oublie nos différences, hein, on va tous s'aimer, on va tous oublier nos divergences. Vous êtes des khawarij, nous on est sur la sunna, bon on fait la paix, on s'aime. Et vous restez sur votre voie et nous on reste sur notre voie. Non. Ali radiallahu anhu, il les a combattus. Hein, il les a combattus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à leur sujet que ce sont les pires créatures. Hein? C'est la pire des créatures sous le ciel. Ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet. Hein? Et il a dit à leur sujet que sont Kilab ou Ahl al-Nar, sont les chiens de l'enfer. Et ça c'est rapporté et c'est sahih. Si vous voulez savoir la référence, dans le livre As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, hein? Il est mentionné dedans avec l'isnad et Cheikh Al-Albani il a déclaré sahih. Hein? Et c'est un hadith authentique, que ce sont les chiens de l'enfer, les Khawarij. Hein? Et des fois, quand tu, comme disait notre frère Hassan Abu Asma plus tôt, il dit aujourd'hui, quand tu dis ce hadith-là aux gens, ils disent, mais ah, comment ça se fait? Hein, les takfirines, ils disent, mais pourquoi tu traites tes frères des chiens de l'enfer? Hein? Et bien, c'est pas nous, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et, comme on dit en anglais, who the cat fits, let them wear it. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le chapeau il te va, alors porte-le. Hein? Ça veut dire si la description elle s'applique à ta description, alors tu rentres dans la catégorie de ces gens-là. Hein? Après il dit, وفي هذا الوقت بذر قرن الخوارج في غاية العنف وفي غاية الشدة، ولهم من الوسائل والإعلام والدعايات والأعمال والفتك ما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فكيف يأنس المسلم الصادق إلى من يحب هؤلاء ويواليهم، وكيف يثق بمن هذا منهجه وهذه عقيدته وهذا موقفه من الأمة. Donc il dit aujourd'hui à notre époque les khawarij sont sortis avec des buts très violents et une grande agressivité, une dureté, et ils ont des moyens de transmission de leur message, de plusieurs méthodes qu'ils ont, soit par les cassettes, les vidéos, les sites internet, toutes ces méthodes qu'ils utilisent, de propagande, subhanallah, ils ont même des chaînes de télévision qui aident à propager leurs idées, les chaînes satellites maintenant, subhanallah. Vous voyez que dans certaines chaînes satellites, chaque fois qu'il y en a un parmi ces khawarij qui ont un message qu'ils envoient dans le monde, eux, ils le diffusent encore plus en le faisant paraître dans leur chaîne de télévision. Au lieu de les ignorer et de ne pas les diffuser, ils les prennent et les diffusent devant tout le monde dans leur chaîne de télévision. Donc c'est comme si on se demande parfois, est-ce que ces chaînes de télévision-là sont pas en train de faire la propagation, justement, de l'idéologie de ces gens-là? Ils ne sont pas en train d'aider justement dans la voie de ces khawarij. Ça c'est des gros points d'interrogation. Mais quand on regarde cette attitude et cette façon comment ils propagent la propagande de ces gens-là, on se demande s'ils ne sont pas liés avec eux indirectement. De toute façon, on sait que la da'wah des khawarij, elle ne profite qu'aux kuffars. Et que ce ne sont que les kuffars qui profitent de cette da'wah. Parce que les kuffars utilisent ce que ces gens-là font au nom de l'islam comme un moyen de discréditer l'islam et de salir l'islam et les musulmans. Et ils utilisent ça comme un prétexte pour frapper l'islam et les musulmans militairement et sur tous les autres plans également. Donc il n'y a personne dans ce siècle et avant qui a donné un plus grand aide et qui a offert un plus grand service aux kuffars et aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces gens-là, ces khawarij-là, qui prétendent vouloir défendre l'islam. C'est en réalité eux les plus grands ennemis de l'islam. Et donc, le cheikh il dit, les méthodes qu'ils ont aujourd'hui, c'est seul Allah qui connaît à quel point ils en ont des moyens. Et comment un musulman qui est sincère peut aimer ces gens-là et les prendre pour alliés et les défendre? Comment quelqu'un peut avoir confiance en quelqu'un qui a un manhaj pareil et qui a une telle aqidah et qui a une position pareille vis-à-vis de la Umma. Wa amma Abdullah ibn Abbas, falahu kalamun shadidun fi ahli al-qadr, radiyallahu anhu, wa minha, qal, tuni bi wahidun minhum hatta a'udda anfahu, hatta ajda'uhu. Ou kama qal, yani hakaza sa'ata'amalu ma'a ahli al-bid'ah. Le Cheikh il mentionne l'exemple de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il dit, il a une parole très dure à propos des qadariyas, des gens du qadar, qui niaient la prédestination. Il a dit, ramenez-moi en un, parce qu'à l'époque, Abdullah ibn Abbas, il a vécu très vieux, yani, parmi les sahaba, parce que, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était jeune, c'était un petit garçon, Et ben, il a vécu très vieux après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était devenu aveugle à la fin de sa vie. Et il disait, ramenez-moi en un, pour que je lui morde le nez. C'est comme ça qu'il voulait agir avec les jeunes bid'a. Et ensuite il mentionne, il dit, « Ibn Umar, lamma balagahu anna qawman yaqtafiruna al-ilm, wa yaquluna an la qadar, qal, uballighuhum annani minhum bara, wa annahum minni bura'a. » Qu'est-ce qu'il a dit, Abdullah ibn Umar, un autre parmi les sahaba qui était très jeune à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a vécu après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été un de ceux qui ont vu apparaître les premiers parmi les gens de la secte des Qadariyya qui nient la prédestination à son époque, comme Ma'bad al-Juhani et d'autres. Qu'est-ce qu'il a dit, Abdullah ibn Umar, quand il a entendu parler de cette bid'ah que des gens disaient qu'il cherchait la science et qu'il n'y avait pas de prédestination? Est-ce qu'il a dit, bon, ce sont nos frères, on s'aime, on va tous s'unir, il n'y a pas de différence, Hein, l'important c'est qu'on dit tous la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hein, il ne faut pas parler de différents groupes et tout, de sectes. Hein, on va tous s'unir sur ce qu'on est d'accord et mettre de côté ceux qui nous divisent, hein, comme ils disent. Il y en a même parmi ces Ikhwan aujourd'hui qui disent ça, même parmi, par rapport aux kuffars. À Montréal, il y en a un qui a commencé depuis quelques années à faire une da'wah en français. Il a dit dans une rencontre qu'il a fait, il a organisé une rencontre entre une association étudiante des musulmans d'une université, puis une association étudiante des juifs. Il a fait une rencontre avec lui, puis un rabbin, et puis il a fait, soi-disant, un rapprochement, un dialogue pour se connaître les uns les autres, soi-disant. Eh bien, il a dit, on a 80%, 95% des choses avec les juifs qui sont en commun, et on a 5% qui nous divisent. Pourquoi on ne met pas de côté les 5%, puis on travaille sur ce qui nous unit? On veut construire des ponts, on veut s'unir. Il dit, subhanallah, est-ce que c'est devenu maintenant une question de pourcentage comme ça? Hein? Est-ce que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, comme lui il prétend, hein, que c'est un petit 5% qui nous divise, on va le mettre de côté parce que ça nous divise, on va se concentrer sur le 95% qui nous unit. C'est qu'est-ce qui nous unit? Hein? Qu'on a des choses qu'on aime en commun ou des choses de la dunya en commun, et puis on laisse de côté le fait que ces gens-là, ils nient les fondements même de l'islam, qu'ils ont des aspects de kufr et de shirk dans leur religion, et on dit ça c'est juste 5%, donc on le laisse de côté. Donc ces gens-là comme ça, et quand je l'ai appelé au téléphone, je lui ai parlé, pour discuter avec lui justement sur ces points-là, pour lui donner la nasiha, il m'a dit, ben oui mon frère, si on peut se lire avec les juifs, pourquoi pas avec les salafis, hein? C'est comme ça qu'il m'a dit, hein? Il dit, subhanallah, s'il y a 5% qui le divise avec les juifs, c'est quoi le pourcentage qui le divise avec les salafis? Est-ce qu'il va donner un autre nombre, un autre pourcentage pour les salafis aussi? Et mettre de côté l'aqidah et dire on va se concentrer sur le reste, comme si c'était un détail, comme si c'était pas important. A'oudhou billah. Est-ce qu'on va commencer à jouer avec notre religion comme ça? Donc Abdullah ibn Omar, voici sa position, voici comment il a répondu à ces gens-là lorsqu'ils sont venus avec la négation de la prédestination. Il a dit, transmettez-leur que je suis innocent d'eux et ils sont innocents de moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même s'ils donnaient la quantité d'or de Uhud en sadaqa, Allah n'allait rien accepter d'eux jusqu'à ce qu'ils croient en Al-Qadar. Et ça c'est dans Sahih Muslim, dans les premiers hadiths qui sont rapportés dans Kitab al-Iman. Hein? Et ça rapporte l'attitude de Abdullah ibn Omar vis-à-vis des gens de Bid'ah. Donc on voit que même à l'époque des Sahaba, les derniers Sahaba qui étaient encore en vie, à l'époque où les Bid'ah sont apparus, on voit comment ils ont agi envers les gens de Bid'ah. Donc ça c'est le manhaj des Salaf. C'est ça le manhaj des Salaf. C'est cette attitude-là qu'ils ont eue envers les gens de Bid'ah. C'est pas comme l'attitude des gens aujourd'hui qui veulent nous appeler à nous unir avec les gens de Bid'ah et à oublier nos différences, alors que ces différences-là sont dans les fondements de l'islam et dans les principes de base de cette religion-là. Hein? Donc c'est ça le danger. Et eux, ils veulent éliminer les différences et les séparations qui nous divisent. Et faire en sorte que c'est pas grave, parce qu'ils disent quoi? C'est quoi leur argument, souvent qu'on entend? C'est-à-dire que bon, on est parmi les koufars, on est minoritaire, on est très peu en nombre, parmi les juifs, parmi les chrétiens, parmi les laïcs. Il faut tous s'unir ensemble pour affronter les non-musulmans, soi-disant. Alors que parmi nous, parmi nos rangs, ces gens-là, qui font partie de ces groupes de bid'ah, sont en train de nous frapper, hein, de nous poignarder dans le dos, hein, et d'appeler à des croyances qui sont parfois plus graves dans leur égarement que celles des juifs et des chrétiens, et ils disent il faut se mettre ensemble contre eux. Vous êtes pire que eux, pourquoi vous voulez vous mettre, hein? Subhanallah. Non, on ne peut pas faire ça de cette manière-là. Corrigez votre aqidah, corrigez votre manhaj, revenez à la sunnah, abandonnez votre bid'ah. Si vous êtes chiite, quittez cette bid'a des chi'as, revenez à la sunna. Si vous êtes des soufis, quittez le soufisme, revenez à la sunna. Si vous êtes des ash'ara, quittez la bid'a des ash'ariya, revenez à la sunna. Si vous êtes des tabliriens, quittez la tablir et revenez à la sunna. Si vous êtes des ikhwan, quittez la bid'a des Hassan al-Banna, revenez à la sunna. Après on va s'unir. Après on va s'unir. Mais avant, s'unir pas avant puis après, essayer de faire quoi que ce soit, ça marchera jamais. On peut pas s'unir sur l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas commencé sa da'wa en disant à Quraysh, on va s'unir puis après on va corriger les erreurs. Non, il a corrigé les erreurs en premier, après les gens se sont unis tout seuls. Le cheikh il dit ensuite, لم يفتح ملف وتحقيقات إلى آخره كما يفعل الآن أهل البدع يقذفون الناس ظلما وعدوانا فإذا ثبت لك شيء من ضلالهم وتكلمت وحذرت منه قالوا ما يتثبت نعوذ بالله من الهوى ولو يأتي ألف شاهد على ضال من ضلالهم لا يقبلون شهادتهم بل يسقطونها ألف شاهد عدل على ضال من ضلالهم لا يقبلون شهادته فضيعوا الإسلام وضيعوا شباب الإسلام بهذه الأساليب الماكرة نسأل الله العافية. Le cheikh il dit aujourd'hui, on voit que يعني, quand on commence à clarifier et à expliquer l'égarement de certains d'entre ces gens d'égarement et on met en garde contre lui, il dit à vous, vous vérifiez pas, vous êtes pas fiable. Il dit à A'udhu Billah, on demande à Allah de nous protéger de la passion. Il dit même si tu leur amènes une centaine de témoins qui vont témoigner de l'égarement d'un de ces individus-là, ils ne vont pas accepter leur témoignage. Même si tu leur amènes une centaine de témoins ou mille témoins honnêtes et fiables, ils vont rejeter leur témoignage. Hein? Parce que c'est, on le remarque même. On peut leur amener toutes les preuves et les explications et les clarifications et les paroles des témoins, des gens qui étaient avec eux, qui les ont entendus dire des choses contraires à l'islam ou à la sunna. Ils acceptent aucune critique. C'est comme si, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, par exemple, إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Si quelqu'un, un pervers, vous vient avec une information, alors vérifiez-la. Un pervers qui vous vient avec une information, vérifiez-la. Ça, les ulama ils ont expliqué ça, ça implique que si quelqu'un vous vient et qu'il n'est pas pervers, vous devez accepter son information. Et s'il y en a mille qui viennent, qui disent toutes la même chose, et qui vous disent cette personne, elle a dit ça, et elle a fait ça, ou elle enseigne ces choses-là, et toi tu dis, oh non, je crois pas à ça. Est-ce que ce sont tous des pervers? Et les preuves sont écrites, et on a les audios, et on vous les a fait écouter et entendre, et malgré tout ça ne vous suffit pas. Donc ça c'est leur ruse aujourd'hui. Wa ibn Omar lamma akhbarahu wahid, wa thani yasma faqat, saddaqahu li'annahu mu'min wa adl, wa thiqa, wa dinuna yaqumu ala akhbar al-udul. من قواعده أخبار العدول فإذا نقل لك الإنسان العدل كلاما فالأصل فيه الصحة ويجب أن تبني عليه الأحكام وحذر الله من خبر الفاسق فإذا إنسان معروف بالفسق جاءك بخبر لا تكذبه تثبت لأن هناك احتمالا أن يكون هذا الفاسق في هذا الخبر الصادق تثبت لا بأس. أما الآن العدول تلو العدل تلو العدل والعدل تلو العدل يكتب ويشهد ما يقبل كلامه. Donc le cheikh il dit Ibn Omar à l'époque quand les deux tabi'in sont venus le voir pour lui poser la question au sujet des gens qui niaient le qadar, ils étaient deux seulement et il y en a un qui parle, l'autre il était juste là, il écoutait seulement. Ils sont venus, ils ont dit à Abdullah ibn Omar, il y a des gens dans notre région qui nient le qadar. Abdullah ibn Omar, il a accepté le témoignage de ces gens-là, il a accepté leurs paroles. Pourquoi? Parce que c'est un croyant et c'est une personne honnête. Et notre religion, elle est basée sur la transmission des informations de la part des gens honnêtes. Et ça, ça fait partie des règles et des principes au sujet des informations qui sont transmises de la part des gens honnêtes. Donc si quelqu'un qui est honnête, il te transmet une parole, à la base, c'est qu'elle est correcte et qu'elle est authentique. Et donc, tu dois baser les principes et les règles sur cette information-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a avertis dans le Coran, dans le verset que je vous ai mentionné tout à l'heure, il nous a avertis contre le fasiq, contre le pécheur, contre le pervers. Il dit « Akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Hein, quand c'est quelqu'un d'honnête et de fiable, on le prend. On prend son information. Mais quand c'est quelqu'un qui est fasiq, est-ce qu'on rejette automatiquement qu'est-ce qu'il dit? Non. On vérifie. Parce que peut-être que ce qui, même si c'est un fait, ça ne veut pas dire qu'il ment, peut-être que ce qu'il dit c'est vrai. Donc dans le cas où la personne qui nous donne une information, nous parle de quelqu'un, nous dit quelque chose, cette personne-là n'est pas fiable, ou est un fait, on vérifie l'information. Si c'est quelqu'un d'honnête et de fiable, on sait de lui que c'est un bon musulman et qu'il est un bon pratiquant, on prend son information. Mais si c'est quelqu'un qui est fasiq, on vérifie l'information, on le nie pas directement comme certains, le cheikh il dit aujourd'hui, non seulement il n'accepte pas le témoignage du fasiq, mais même des gens honnêtes qui se succèdent les uns après les autres pour venir donner un témoignage et clarifier quelque chose, ils rejettent chacun d'entre eux leur témoignage, ils refusent de l'accepter, même si c'est écrit. Hein, même si c'est signé, il n'accepte pas sa parole. إذا جمعتها والله ما يبقى من الدين شيء. Le cheikh dit aujourd'hui, tu ramènes les paroles d'un égaré avec ses mots à lui, avec les citations telles qu'elles sont dans ses livres, le numéro de la page, hein, tout est écrit. Et même des fois tu as l'audio avec la preuve audio de qu'est-ce qu'il a dit. Hein. Il dit ah, lui il a une haine contre ce chef ou contre cet individu-là, c'est pour ça qu'il parle contre lui. Il a un problème personnel entre lui et l'autre. Hein? Des choses de ce genre. Ça fait partie des ruses des gens de Bid'a à notre époque. Il dit, même les Khawarij et les Rawafid et les gens de Bid'a dans le passé, ils ne connaissaient pas ces méthodes-là que ces gens-là ont inventées. Ils ont ramené des règles et des méthodes et des principes et des tribulations, des problèmes, des voies. Si tu les réunis ensemble, il ne restera plus rien de la religion. فإذا أخذت بهذا المنهج صار أئمتنا كلهم فاسقين غير عدول ظالمين فجر على هذا المنهج الخبيث والشاهد أننا إذا ذكرنا غير مرة أن الله حذرنا من أهل البدع وبين مقاصدهم السيئة والرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك وحذر منهم عليه الصلاة والسلام فهم السلف من هذه النصوص ومن غيرها الكثير فهموا منها المواقف السليمة والصحيحة من أهل البدع والضلال ودونوا ذلك في كتبهم وقالوا إن المبتدع لا ريبة له وأنه يجب التحذير منه وأن محاربة أهل البدع جهاد وهو أفضل من الضرب بالسيوف لماذا؟ لأن هذا يفسد الدين مباشرة وهذا يفسد الدين والفاسد يفسد الدين الفاسق معترف بأنه منحرف وأنه مخالف للدين ويحدث بنفسه بالتوبة أما هذا لا هذا يفسد الدين ويفسد الناس Le cheikh il dit, donc si tu réunis toutes leurs méthodes, tu vas voir que ces gens-là, à la fin, ils ne laissent rien de l'islam. Les informations des gens qui sont honnêtes, ils viennent, ils la rejettent, ils la font tomber. Le manhaj des salafs dans la critique des gens de bid'a, ils le font tomber. Par toutes sortes de méthodes yani, qu'ils utilisent, qui sont laides. Ils appellent leur méthode al-muwazanat. Il faut comparer entre le bien et le mal des gens. Il faut prendre le bien, laisser le mal, etc. Si on suit leur manhaj, ça veut dire que tous nos imams, les imams d'Ahl Sunna, sont considérés des gens pervers selon eux, comme on a expliqué. Après, le cheikh dit, qu'est-ce qu'on veut dire de tout ça, hein? Tout ce qu'on a expliqué, le point c'est quoi? C'est de faire comprendre que Allah nous a avertis contre les gens de bid'a, il nous a clarifié leurs mauvaises intentions. Le messager d'Allah a confirmé cela dans sa sunna, il a averti contre eux. Et les salafs ont compris ça également dans leurs paroles et dans leurs textes, et on le retrouve dans leurs écrits. Ils ont compris, et ils ont compris cela, et on le voit dans leurs positions nombreuses, comment ils ont agi d'une bonne façon envers les gens de bid'a et envers les gens de l'égarement. Ils ont réuni ces choses-là et ces positions-là dans des livres, hein, et ils ont dit, le mubtadi, il n'y a pas de rayba à son sujet. C'est-à-dire, quelqu'un qui appelle à l'innovation, eh bien, il n'y a plus de rayba à son sujet. C'est-à-dire, quand tu avertis les gens et tu parles contre le mubtadi, il n'y a pas de, c'est pas parler dans son dos. Et ça, c'est une choubha que les gens de bid'a utilisent aujourd'hui. Hein, quand tu avertis contre un innovateur, et donc, l'individu dont je vous ai parlé tout à l'heure à Montréal qui dit qu'il y a 95% des choses qu'on est d'accord avec les juifs et 5% qu'on n'est pas d'accord. Quand j'ai écrit un texte pour clarifier certains de ces égarements et mettre en garde mes frères, parce que j'avais contacté un des cheikhs, le cheikh Mohamed Al-Hajil, je lui ai posé parce que je lui ai lu le message qu'il m'a envoyé avec l'explication de tout ce qu'il a dit par rapport aux salafis, que c'est une bid'a, hein, et qu'il se considérait musulman, qu'il ne voulait pas faire de distinction entre les groupes, et qu'il aimait tout le monde, et je lui ai lu ce texte-là, le cheikh il a dit, lave-toi les mains de celui-là, et avertis les frères à son sujet. Et quand j'ai fait ça, il a fait une khutba le vendredi d'après, et il a dit quoi? Il a dit, il faut faire attention, il y a des gens qui parlent dans le dos, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui font ci et qui font ça. Hein? Donc ils considèrent eux que de mettre en garde contre les gens de bid'a, et contre l'innovation, et contre l'égarement, et contre les erreurs dans la religion, que ça c'est de parler dans le dos, et que c'est de manger la chair des savants. Hein? Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Et c'est comme le cheikh nous dit, ici il n'y a pas de rayba pour les gens de bid'a. Il n'y a pas de rayba, il n'y a pas de manger la chair de... Il n'y a pas de mangeage de chair pour ces gens-là. Hein? Comme ils disent, la chair des ulama, elle est empoisonnée. Oui, la chair des ulama, elle est empoisonnée. Mais la chair des gens de bid'a, elle est sucrée. Elle n'est pas empoisonnée. Hein? Donc il dit, c'est obligatoire de mettre en garde contre eux et de les combattre. Et ça, c'est un djihad. Hein? Et c'est mieux que de les frapper avec l'épée. Hein? Comme le chien, il explique. لأن هذا يفسد الدين مباشرة وهذا يفسد الدين. الشيخ يقول les gens de bid'a ils corrompent la religion directement. Les gens de bid'a ils corrompent la religion directement. Ils veulent détruire cette religion. Aujourd'hui vous avez ces gens là, subhanallah. Il y aurait plein d'exemples à donner, mais je ne veux pas trop m'attarder. Je sais que vous êtes fatigués après cette fin de semaine que vous venez de passer avec le ilm, hein, et avec les frères qui vous ont fait des bons rappels. Donc je vais essayer de terminer ça court, Inch'Allah. Le cheikh il dit donc que ces gens-là, ils veulent détruire la religion. Hein. Et le pécheur, il reconnaît qu'il est dévié, il reconnaît qu'il contredit la religion. Hein. Et il pense à se repentir, tandis que ceux-là non, ils veulent corrompre la religion et détruire la religion. وَلِهَذَا نَرَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَارَبَ أَحْبَارَ الْيَهُودِ وَرُهْبَانِهِمْ وَعُلَمَائِهِمْ السُّوءِ علماء السوء منهم أشد من محاربته للحكام والطغاة الجبابرة. لماذا؟ لأن أولئك ضلالهم وفسادهم معروف وواضح للناس، ولكن هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، كما قال تبارك وتعالى: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. كيف يلزي الشيخ يلزي on voit que Allah il a combattu les rabbins parmi les juifs et les moines et les ulama parmi les chrétiens et les juifs plus que leurs dirigeants et leurs tyrans. Hein. Pourquoi? Pourquoi Allah dans le Coran il a critiqué les rabbins et les savants parmi les juifs plus que leurs dirigeants, plus que leurs rois, plus que leurs tyrans, hein, dans leurs injustices? Pourquoi? Le cheikh il dit parce que l'égarement du rabbin et du savant parmi les gens de l'égarement est plus dangereux puisque eux ils égarent les gens dans leur croyance et dans leur foi et dans leur adoration, tandis que les dirigeants ils se basent sur les choses de la dunya seulement, hein, ils ne font que du tort aux gens par rapport à la dunya. Et si tu perds ta dunya alors que tu as une bonne foi et une bonne aqidah, si tu meurs, inshallah tu es quand même sur la bonne voie et tu risques d'aller au paradis. Mais si tu écoutes les prêtres et les rabbins dans leur appel au shirk et à la bid'a et au kufr et à l'égarement, tu t'égares complètement, hein, tu dois chemin. Donc, il dit, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils couvrent le mensonge par la vérité par le mensonge, ils mélangent les deux. Et Allah, il dit dans plusieurs versets, comme dans le verset 71 dans surat Al-Imran, il dit, pourquoi vous couvrez la vérité par le faux et vous cachez la vérité alors que vous savez. وهذا حال أهل البدع عندهم شيء من الحق أو شيء من الضلالة يلبسونه بشيء من الحق حتى يروج طرق ماكرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده فراه كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم والنصارى. لماذا؟ لأنهم أفسدوا الدين. أفسدوا دين الله. الشيخ الذي تبقى cette réalité-là, elle s'applique aux gens de bid'a parmi les musulmans. La réalité de ce qui est dit par Allah au sujet des juifs et des chrétiens, c'est-à-dire en parlant de leurs moines et de leurs savants et de leurs rabbins et de leurs religieux, eh bien, c'est la même chose qui peut se dire à propos des gens de bid'a parmi les musulmans, parce qu'ils mélangent la vérité avec le faux, dans le but de propager le mensonge et la fausseté. Ils ont des ruses comme ça, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ses serviteurs. Et donc tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie tout le blâme et la critique et l'avertissement. Il attaque contre les juifs et leurs savants, de même que les chrétiens et leurs savants. Pourquoi? Parce que eux, ils appellent à corrompre la religion et la croyance. Aujourd'hui, c'est ça. Hein? Aujourd'hui, vous voyez que par exemple, ils parlent de la laïcité, mais en réalité, tout ce qui est derrière, c'est les croyances de l'Église catholique. Toute cette propagande-là qui se passe là contre l'islam, contre le hijab, contre, hein, tout ce qui a rapport avec les mosquées et tout, ça c'est l'Église catholique qui est derrière ça, et les prêtres, et le Vatican, hein, et les juifs, et les rabbins, c'est eux qui sont derrière ça. La laïcité c'est une couverture, en arrière les églises ils ont des tours et des clochers 10 fois plus hautes que les minarets des mosquées qui existent ici dans ce pays. La vraie da'wah qui se passe en arrière c'est la da'wah au shirk, la da'wah au kufr. Et toute cette laïcité-là, c'est pour protéger les croyances de kufr et de shirk de ces églises et de ces fausses religions. Hein? Ils ont rien contre les autres, seulement contre l'islam et les musulmans qui appellent au tawhid. Ils ont rien contre les ikhwan et les autres groupes de bid'ah, seulement contre les salafis, ceux qui appellent à s'accrocher au Coran et à la sunna et à la voie des salafs, parce qu'ils savent que c'est le vrai islam. Et qu'il n'y a pas d'autre vrai islam que la voie des salafs salih. Hein? Donc الشيخ dit وهذا شأن أهل البدع ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى إلى اليهود والنصارى والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الشيخ dit donc ça c'est la réalité des gens bid'ah. Ils ont une part de ce blâme que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux juifs et aux chrétiens. Et la preuve, c'est dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, vous suivrez les voies des gens qui ont été là avant vous, hein, pas à pas. Même s'ils rentrent dans un trou de lézard, vous allez les suivre dedans, vous allez rentrer vous aussi avec eux, hein. Et le cheikh a dit, فَقَدْ وَقَعَ أَهْلُ الْبِدَعِ فِي هَذَا الشَّرْءِ وَتَابَعُ الْيَهُودِ فِي التَّأْوِيلِ وَفِي التَّحْرِيفِ وفي الكذب وفي نشر الباطل وفي الدعاية الدعاية في الباطل شاركوهم في كل هذه الأشياء فالشبه قوية جدا بينهم وبين هؤلاء وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيتابعونهم الشيخ dit donc que les gens bid'a ils ont le même mal hein, ils ont suivi les juifs dans leur déformation des textes hein, dans leur façon d'interpréter la révélation d'une façon fausse et dans le mensonge et dans la propagation du mensonge et de la fausseté et des fausses propagandes hein, ils sont les partenaires des juifs et des chrétiens dans ces méthodes-là et regardez, écoutez le discours des soi-disant islamistes politiciens ici en France hein. Quand les koufars leur disent on ne veut pas quelque chose, ils sont les premiers à parler à la télévision ou à la radio pour dire aux musulmans qu'est-ce que les koufars veulent de la part hein, de la part de ces musulmans-là. Ils veulent pas le hijab, ils voient la télé, ils vont dire le hijab ça fait pas partie de l'islam. Ils veulent pas le niqab, ils voient la télé, ils vont dire le niqab ça fait pas partie de l'islam. Après ils vont dire la barbe ça fait pas partie de l'islam. Après ils vont dire ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils disent la salat ça fait pas partie de l'islam et Allahu a'lam qu'est-ce qu'ils vont dire par la suite. Hein? Tout pour satisfaire qu'est-ce que ces gens-là leur disent. Et ils mentent pour des soi-disant des intérêts politiques ou économiques ou autres. Ils vendent la religion pour un vil prix. Et donc, ils ont des choubouhats et des ruses, hein. Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre ces gens-là, et il nous a dit qu'il y a des gens parmi les musulmans qui allaient les suivre. فَنَحْنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ بَعْدَ هَذَا كُلِّ نَنْصَحُ الشَّبَابَ السَّلَفِ أَنْ يُقْبَلُوا عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَأَنْ يَحْرِسُوا عَلَى مُعَاشَرَةِ الصَّالِحِينَ وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه وإن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc le cheikh il dit donc nous de toute façon on donne le conseil aux jeunes salafis de se diriger vers la science et l'étude et de faire des efforts pour être en compagnie et de rester avec les pieux et de faire très attention de se mélanger aux gens de bid'a et aux gens qui ont des choubouhats et qui ont des fitan. Et donc ça c'est une nasiha, il dit j'espère qu'elle va rencontrer des oreilles attentives hein, parmi nos frères qui recherchent la vérité et qui aiment la vérité, qui font partie des gens de la vérité et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse cette nasiha, qu'il la rende bénéfique pour eux et qu'ils fassent de nous et d'eux des gens qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur de cette parole et qu'ils fassent de nous des gens qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui préfèrent son obéissance et qui préfèrent le suivre plus que toute autre chose dans cette vie d'ici-bas et notre Seigneur est certes audient de l'invocation et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur ses fidèles et ses compagnons, sa famille et que le salut soit sur eux tous. On s'arrête ici pour aujourd'hui, donc alhamdoulilah on a complété cette risala du Cheikh Rabi al-Madkhali, hafizahullah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner en récompense le paradis hein, pour tout le bien qu'il a fait pour la Ummah. Et pour clôturer, je donne la même nasiha que la nasiha du Cheikh Rabi. Qu'est-ce qu'il a donné yani comme nasiha aux jeunes salafis, aux jeunes musulmans, hein, de chercher la science, de continuer dans vos efforts, l'apprentissage de l'arabe, hein, l'apprentissage du Coran et de la Sunna, de la compréhension des salafs. Hein, et alhamdoulilah, on encourage les frères qui ont organisé cette conférence aujourd'hui de continuer, dans cette voie. المستعان. C'est juste, on va pas faire de la publicité pour les gens des Gama, hein, parce que c'est ça ce qu'ils voudraient, mais on veut juste dire qu'il y a des gens des Gama qui organisent des événements dans la région, donc n'y allez pas, s'il vous plaît. Jazakumullahu khairan. Donc c'est ça en général, Yanni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à rester sur la vérité et à s'accrocher à cette vérité et à la suivre et à pas se laisser détourner par ceux qui veulent nous détourner. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.